Vous avez volé l'État. Vous vous êtes mis dans le cas d'aller en cour d'assises, dit le maréchal, comme ce caissier du trésor. Et vous prenez cela, monsieur, avec cette légèreté. Quelle différence, monseigneur ! S'écria le baron Hulot. Ai-je plongé les mains dans une caisse qui m'était confiée ? Quand on commet de pareilles infamies, dit le maréchal, on est deux fois coupable, dans votre position, de faire les choses avec maladresse. Vous avez compromis ignoblement notre haute administration, qui jusqu'à présent est la plus pure de l'Europe. Et cela, monsieur, pour 200 000 francs, et pour une gueuse, dit le maréchal d'une voix terrible. Vous êtes conseiller d'État, et l'on punit de mort le simple soldat qui vend les effets du régiment. Voici ce que m'a dit un jour le colonel Pourrin, du 2e lancier. À Saverne, un de ses hommes aimait une petite Alsacienne qui désirait un châle. La drôlesse fit tant que ce pauvre diable de lancier, qui devait être promu maréchal des logis chef après 20 ans de service, l'honneur du régiment, a vendu, pour donner ce châle, des effets de sa compagnie. Savez-vous ce qu'il a fait, le lancier, baron d'Hervy ? Il a mangé les vitres d'une fenêtre après les avoir pilées, et il est mort de maladie, en 11 heures, à l'hôpital. Tâchez, vous, de mourir d'une apoplexie pour que nous puissions vous sauver l'honneur. » Le baron regarda le vieux guerrier d'un œil hagard, et le maréchal, voyant cette expression qui révélait un lâche, eut quelque rougeur aux joues, ses yeux s'allumèrent. « M'abandonneriez-vous ? » dit Hulot en balbutiant.